بسم الله الرحمن الرحيم. سئلت اللجنة الدائمة: هل الأفضل صلاة السنن الراتبة في المسجد أو في البيت؟ Ils ont posé cette question à اللجنة الدائمة, le comité permanent des grands savants d'Arabie Saoudite. هل الأفضل, est-ce que c'est mieux de faire صلاة السنن الراتبة في المسجد أو في البيت؟ نعم, est-ce que c'est mieux de faire les sunan al-ratiba, c'est les deux rak'at, مثلا avant l'Isha, après l'Isha, et les salats qui ne sont pas obligatoires, recommandées avant ou après certaines salats obligatoires. Est-ce que c'est mieux au masjid ou fi al-bayt? Al-jawab: tustahab salat al-nafila fi al-bayt, sawa'an al-rawatib ou ghayriha. نعم, et c'est pas que pour al-rawatib. Que ce soit rawatib ou ghayriha. Mathalan salat al-duha, mathalan salat al-witr, mathalan salat al-fajr le matin, les deux rak'at avant la salat obligatoire. Ba'dhum il appelle subh, ba'dhum al-fajr. Qala illa ma shara'a Allah ada'ahu fi al-masjid katahiyyat dukhuli. Eh, ma'a khilaf. Anna ba'dhum il dit c'est obligatoire, ba'dhum il dit c'est pas obligatoire. Fa'ala kulli hal, تحية المسجد هو مسجد. لماذا؟ لأن المسلم quand il rentre avant de s'asseoir, il doit faire ses deux rak'a. فقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اجعلوا من صلاتكم في بيوتكم ولا تتخذوها قبورا. أي ne laissez pas vos maisons comme des tombes, comme des cimetières. لماذا؟ لأن في الإسلام القبر والصلاة, on peut pas rassembler entre les tombes et as-salah. C'est pour ça que c'est interdit de construire un masjid sur des tombes ou d'enterrer un mort dans un masjid. Enfin, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il nous a encouragé à faire certaines salawat à la maison. Et vu que les cinq salats obligatoires pour l'homme, c'est au masjid, et à sahih, c'est que c'est obligatoire, là, chacun a le mourad, c'est les salats qui ne sont pas obligatoires. قال وقال صلى الله عليه وسلم أفضل صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة. La meilleure salat, c'est celle qui est faite à la maison, إلا المكتوبة. هنا dans ce hadith, c'est différencié clairement. La salat qui est obligatoire, c'est fi al-masjid pour les hommes. Et autre que l'obligatoire, c'est fi al-bayt, c'est أفضل. Donc هذا, ça nous montre que c'est permis de faire ces salawat au masjid. لكن الأفضل, et on ne doit pas délaisser nos maisons comme des cimetières et ne plus faire salat à la maison. Aucune ratiba. Hada la yanbaghi. As-sunna, c'est de faire ces salawat à la maison. Aïe, qui ne sont pas obligatoires. قال وهكذا ما شرع الله له الجماعة كالتراويح والكسوف فإنها تصلى في المسجد. نعم. الكسوف, est-ce que c'est obligatoire, Amla? C'est une autre mas'ala qu'on détaillera pas huna. Al-ulama ikhtalafu. Al-kusuf, c'est l'éclipse, la salat quand il y a l'éclipse. At-tarawih, c'est qiyam ramadan, la nuit. Et c'est une sunna, c'est pas obligatoire. Et at-tarawih, le mieux, c'est fi al-masjid. قال وهكذا صلاة العيد وصلاة الاستسقاء. أما صلاة العيد وصلاة الاستسقاء فإنها تصلى في المصلى. C'est ça, sunna. صلاة العيد وهكذا صلاة الاستسقاء. Et pour demander à Allah subhanahu wa ta'ala la pluie, فهذه السنة, c'est de faire en groupe et fi al-musall, dehors, dans un endroit autre que al-masjid. وبالله التوفيق. انتهى المرجع. Donc فتاوى اللجنة التائمة والله تعالى أعلم. نكتفي بهذا والحمد لله رب العالمين.